j'ai foi toujours encore. Bien que ma bonne étoile en vienne à s'écraser dans le décor, et que l'amour seul s'en souvienne. J'ai foi toujours encore un coup, bien que je n'y crois plus beaucoup. J'ai toujours encore un peu foi en tout, souvent en moi, parfois en tout, souvent. Ne manquez pas la révélation du moment, l'envoûtante chanteuse berbère Indy Zara, le son très world chaleureux Sarrazino, les arts de la récup Konono numéro 1 entre rythme traditionnel, rock expérimental et électroacoustique, et en concert de clôture, les maîtres incontestés du zouk depuis 30 ans, le mythique groupe Kassab. Pour plus d'informations, visitez le www.festivalnudafrique.com. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Bonsoir, en manchette ce soir, un spécial manchette qui commence par S. On commence par des Soulons, des Soulagés, des Frustrations et des Snoop Dogg. Vous êtes à 70%. C'est. Ça commence fort, hein? Mais hein? Ouais. J'ai amené un remix de la lettre C de Overclocked Remix comme tune de background. Là. Vous avez bien sûr reconnu le Fat Albert Team. Là. C'est le gros Albert. Non, c'est Contra, c'est un remix. C'est ça la vie. Hey, Étienne Forêt, bonjour. Bonjour. Ça va être quoi la thématique de ton spécial magie aujourd'hui? Ben aujourd'hui, je continue mon spécial retour à la nature, puis je termine avec une petite parenthèse sur la Gaspésie parce que c'est là que je vais être la semaine prochaine. Profitez bien de moi, la semaine prochaine je serai pas ici. On va bien profiter de toi. Je te laisse nous présenter ton ami Stéphane qui est à côté, amateur de cinéphile. Eh bien oui, Stéphane Cacchetti, ancien animateur radio, qui a fait un voyage en Suisse pendant un bout de temps pour le travail, qui là il est de retour au pays, puis qui collectionne lui aussi la cochonnerie musicale, tout comme moi, mais depuis plus longtemps encore. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça qu'il va nous parler, n'est-ce pas, Stéphane? Non, aujourd'hui, j'ai fait une fin de semaine intensive à Fantasia, 12 films de vendredi à samedi, et j'ai choisi ce qui m'a semblé être le plus poche, parmi le plus poche. Merveilleux. Excellent, ça va être frais sorti des fourneaux. Et oui, puis, oui. Juste à droite, c'est qui ça? C'est Julien Bernard. Ouais, c'est moi. Ouais. Hey, avec sa sagesse. Puis tout, c'est quoi qui se passe, mon gars? Oh, pas grand-chose cette semaine. J'ai un dossier alarmant sur les bouctouches. J'ai hâte de savoir, c'est quoi? J'ai hâte d'en apprendre moins là-dessus. C'est la bouctouche! Hein? Ben oui, ça a rapport avec la Gaspésie, tranquillement. Ben oui. C'est une BD scénarisée par Michel Brûlé. Particulièrement mauvais, en fait. À brûler, quoi. Oui, c'est à brûler, définitivement. Ouais. Si quelqu'un l'avait acheté quelque part, il devrait le brûler. Ooh. Et puis, ben, sinon, il y a Bruno, si on a fait le tour. Ouais. Toi, Bruno, ça va bien? Ouais, ça va. Ouais. Puis, Ouais. C'est ça, l'émission commence, c'est endiablé, c'est débile. Juste à ta droite, c'est Hicham, c'est notre musulman de service pour l'émission. Tu vas être là pour faire respecter les droits de la personne, dans le fond. Ouais, je vais faire respecter les droits de la femme musulmane, en gros, là, comme il laissait le droit de faire notre vaisselle et faire s'occuper des flots. Ben voilà. Ah, bon. Et voilà, ça va être toutes sortes de commentaires pertinents. Il y a Mathieu qui a décidé de s'expulser lui-même là-bas. Salut Mathieu! Allô? Mathieu, qu'on connaît surtout sur le nom de Virgile, il fait dire salut à son ami qui l'a introduit à 70%. Ça m'a permis d'établir une relation de 15 ans avec le dit Virgile. Ben. Ouais, c'est ça. C'est bien pratique, la fille. Hey, sinon, le film de ce soir, c'est l'excellent Samurai Cop, version française. Le samouraï de L.A. Moi, je me rappelle, j'ai déjà vu ce film-là à Bleu Nuit, genre en 95, là, ça avait passé là, parce qu'il y a des Robert Brouillette dedans. Il va falloir, en fait, on va garder les yeux ouverts et dormir très bien ce soir, c'est sûr que ça va être ça. C'est un gros, gros show de 70%, comme vous l'avez entendu. Je l'aime bien gros, ce remix de Contrôle-là, mais ça veut dire... En fait, ça veut pas ne pas dire, ou ça veut dire... Danny Daniel, on est bien désolé pour ce qui t'arrive, on va faire jouer à ta nouvelle production maintenant. C'est pas si loin de toi. Le ciel est intérieur. C'est frais, frais sorti de ses forges intellectuelles. On écoute ça. On est à 70%. Puis on revient après ça. Là. Pour moi, ça va être Bruno. On aime ça commencer avec des Bruno puis des nouvelles. Il est chaud. Là. On écoute Danny Daniel puis Gabriel. Ça, c'est mystérieux. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je sais pas. Peut-être que la nuit a mal passé. Je vais essayer de la cliquer. Je la mets vers la fin. Ah non. Ben, c'est peut-être la version que j'ai qui était pas complète. Ça, c'est un petit peu triste quand même. On aurait aimé ça la mettre au complet. Là, ça... On va essayer de régler ça. Puis, c'est ça. On va essayer de la retrouver autrement. Sinon, ben, Bruno, explosion. Ouais. Ah, ben, c'est vrai, avant. On veut-tu une explosion? Ouais, ouais. Deux. Bon, s'il vous plaît. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Robert-Edouard Tyrell Jr. de Villarica en Géorgie, l'État américain, là, voulait que sa mère fasse son repassage. Elle a refusé et une dispute a éclaté puisque selon Tyrell, le repassage est un travail de femme. Oh, ça part bien. Je suis totalement d'accord avec ça. Le repassage, c'est un travail de femme. Il faut que ça soit fait avec les mains et une roche. Pas d'électricité. C'est bon. Donc, Tyrell, qui vit avec ses parents, a alors sorti un revolver et a pris sa mère de 51 ans en otage, lui volant ses clés et son téléphone cellulaire. Il a refusé de la laisser sortir pendant 6 heures et l'a libérée, finalement. Elle s'est alors dirigée vers le poste de police. Pour. Elle était très froissée, hein? Oui, effectivement. Hey, voyons donc. Tyrell est en prison sans caution, devrait passer en cours ce mois-ci. Là. Sa mère, as-tu appris une leçon, là? Ben, j'espère. Vas-tu leur passer son linge la prochaine fois? Mais ça, ça fait faut le faire, hein? Faut le faire. Ça fait comme pas viril en plus de dire je veux que mon linge y soit repassé. Ouais, par ma mère. C'est... Hein. À tout prix. Ben, ça fait pas viril de, d'avoir 29 ans puis de vivre chez ta mère. Hein, puis de demander de repasser. Hein. Puis de demander de repasser ton. Puis de faire toi dedans. Ça, ouais, moi j'ai l'impression que Tyrell, c'est un incompris. Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que sa mère a passé son temps à dire repasse tes leçons, ça l'a rendu fou. Ouais. Attention à ce qu'on dit à nos enfants. Ah oui, possible. Et puis vas-y un autre, mon gars. D'accord. Alors, l'histoire de Tyrell. Comme nouvel endroit pour tourner son vidéoclip, Snoop Dogg avait choisi le Liechtenstein et voulait bien sûr louer le micro-état au complet. Pour le tournage. Malheureusement pour lui, sa demande a été refusée. Karl Schwarzgard, je suis pas capable de prononcer son nom, agent immobilier, explique « Nous avons eu des demandes pour certains endroits ou des villages, mais jamais le pays entier. Ça aurait été possible, mais Snoop Dogg ne nous a pas laissé assez de temps. » Donc, on sait maintenant qu'il est possible de louer le Liechtenstein complet et je compte faire une levée de fonds pour arriver à cette fin. Oui, faut juste le laisser à cette tâche. Je vais acheter le domaine rentliechtenstein.org. Là, je vais mettre mon compte PayPal là. Puis c'est ça qui va faire amener ton cash pour que finalement tu puisses le louer. Voilà, exactement. Méchant party j'accepte qu'on va faire, les dons. J'accepte les dons. Est-ce qu'on peut louer la population? Oui, j'aime ça. Hein? Idéalement, oui. Ouais. Ouais. Ben, sinon, tu loues rien. Ben, tu loues la place. Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est tous des mercenaires, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis ils ont décidé de refuser la cause de Snoop Dogg parce qu'elle aurait été présentée un petit peu trop rapidement. Ouais, c'est ça. Ils ont dit, ben là, ça va nous prendre plus que 3 semaines. Tu sais. Sortir tout le monde, nous mettre dans un autre pays en attendant. C'est ça. Hey, ben, merci bien gros, Bruno. Un plaisir. Hey, ça m'amène peut-être à me glisser vers le regard de vers Étienne Forêt. C'est quoi qui se passe, toi, là? T'as-tu été sur Internet pour les Internets pour downloader la magie de Danny Daniel pour qu'on finisse la toune? Ben, moi, je l'ai, mais j'ai pas checké si j'ai la fin. Ah, voilà. Fait que moi, je dis que t'as pas vers le milieu, là. Puis on regarde ce que ça donne. Puis on va regarder ce que ça donne. On va espérer. Ça devrait normalement être bon. Ok, je démarre ça. C'est un instant. L'amour est pour ton cœur. Je pense que ça allait correct. Il me reste 2 minutes. Hein? Bon, ben voilà. Fait que, excuse-nous tantôt, Danny. On va la finir maintenant. Est intérieur. Il est pas si loin de toi. L'amour est pour ton cœur. Ce que tes yeux sont pour moi. Le ciel est intérieur. Ah bon, ben on l'a eu. Ouais. J'aimerais ça dire, c'est Karl Schwarzler, l'agent immobilier. Schwarzler. S-C-H-W-A-E-R-L-Z-L-E-R. Schwarzler. Ça, c'est le responsable c'est du l'agent immobilier. C'est un agent immobilier. Il s'occupe de louer. C'est lui qu'il faut contacter. C'est lui qu'il faut contacter. C'est peut-être juste un expert qu'ils ont appelé aussi, je sais pas. C'est comme le propriétaire du Liechtenstein, dans le fond. Oui, exactement. Ben, ou le représentant. C'est ça, c'est le représentant. Ouais. C'est pas le premier ministre. Non. C'est quelqu'un. Ben, à moins que, on sait pas, tu sais. Ben, dans le fond, c'est mon oncle. Les micro-états comme ça, là. C'est ça, c'est vraiment du paradis fiscal. C'est comme le frère du la royauté du Monaco entre moi et toi. Hey, hein. C'est bien important dans un monde où tout le monde va bien. Mm-hmm. Mm-hmm. Hey, Stéphane, je pense qu'on va commencer par toi, mon gars. Ah, ben, OK. Tu te sens à l'aise? T'es allé voir Fantasia? C'était oui, pas trop crowdé? Ah, ben, non, c'est au contraire, c'était plein. Et, les files d'attente habituelles, c'est-à-dire quasiment de la rue Boulevard Maisonneuve, quasiment jusqu'à la rue Sherbrooke. Donc, Je me sentais chez nous. Là, après 14 ans, je fréquente le festival depuis les tout débuts, alors. Tu sentais à l'aise. Ça veut dire que t'en as abattu de la bobine, toi aussi. Là. Ah, la bobine. Fait que tu vas nous parler d'un domaine que tu non seulement apprécies, mais duquel t'as une expertise qui ne ressemble pas à celle de tout le monde. Chiot! Bon. On est en japonais, mais oui, effectivement. Ah ouais, amen, mon gars. OK, alors, peut-être, je vais commencer par vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je sais pas si vous aimez les films de Godzilla, des choses comme ça. Ah oui. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est quand même bien. Mais là, voyez-vous, dans la tradition de Fantasia des tout débuts, on a l'habitude de montrer des classiques ou vraiment des choses totalement impossibles à trouver nulle part ailleurs. Alors ça, c'est un chef-d'œuvre de 1974, Les Hommes d'une autre planète. Mais ce qui est arrivé, il faut que je vous raconte l'histoire du film avant de vous faire une critique scientifique très radio-canadienne, n'est-ce pas? Oui. Bon, tout d'abord, les Japonais, il n'y a pas simplement Ultraman, mais il y a aussi des sous-produits d'Ultraman qui ont été présentés à la télévision, notamment un truc qui s'appelait Dumbog House. Alors, il y a une série télé comme ça, japonaise, qui a été vendue en Thaïlande. Les Thaïlandais ont tellement aimé ça qu'ils ont décidé de faire un film avec Dumbog House. Et le géant de la Terre, l'espèce de statue thaïlandaise que vous voyez avec un chapeau pointu avec des dents de loup, là, puis une espèce de toge. Donc, ils ont décidé de faire un film avec ça. Et ensuite, ils ont vendu ça aux Taïwanais. Mais les Taïwanais ne voulaient pas avoir de Thaïlandais dans le film. Alors, ils ont coupé toutes les séquences avec les Thaïlandais et ils ont mis des Taïwanais en place. Ah ouais, c'est pas... Alors, vous voyez déjà que c'est très prometteur. Ça s'améliore. Ça s'améliore. C'est comme quand ils ont refait les Power Rangers en France, là. Oui, effectivement. Ils ont sorti toutes les séquences de monde qui étaient trop jaunes, là. Oui, mais en plus, évidemment, ce film-là, il doublait en France, en plus. Yeah! Alors, ça commence très fort, parce que, Suzanne, on voit des petits enfants jouer au baseball, mais quelle est la musique de fond, Étienne, tu vas aimer ça, c'est la version instrumentale de Monsieur Cannibal. Ah, wow! Je comprends pas trop le lien, là, mais en tout cas. Baseball, Cannibal. Donc, l'histoire est quand même tout à fait cliché, ça c'est agréable, c'est-à-dire quoi? Ben, c'est des extraterrestres qui veulent envahir la Terre. Bon, on s'y attendait, n'est-ce pas? Ça sert à ça, hein? C'est un extraterrestre, je suis d'accord. Mais il y a quand même un petit côté agréable, parce que voyez-vous, tous les extraterrestres là-dessus, le gros méchant extraterrestre ressemble à un des chanteurs de Kiss avec les cheveux longs, là, puis la face. Ben, pas tout à fait maquillé pareil, mais c'est un peu pareil. Et vous avez une espèce d'Ultraman avec des gros pics sur lui. Ça, c'est un méchant crétin martien. OK. Alors, quand tu l'attaques trop violemment, il dit « Ne m'attaquez pas, je vous en supplie. Je suis marié, j'ai 14 enfants. » Ah, ça, c'est une bonne défense. C'est quand tu reçois des coups de maillage en espèce de styrofoam qui plie là, sur la tête, ça te fait enfoncer dans la terre. Avec ça. C'est la réplique qu'il faut faire pour te sauver la vie. Ça va de soi. Sophisme, là. Ça aide tout le jouer sur la pitié. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film-là, entre autres, c'est que outre le doublage extraordinaire, c'est que, comment je peux vous dire, c'est la subtilité. Je ne sais pas si vous connaissez aussi un peu les films de Santo, le lutteur masqué mexicain des années 60. Oui. Ouais, un petit gros comme un chanteur des classelles, mais lutteur, mais il ne chantait pas. Mais enfin, j'ai remarqué la valeur scientifique qui était est comparable, parce que dans les films de Santo, parfois, ce que vous voyez, c'est que vous voyez un écran télé. Puis la personne qui vous parle, il y a un écran comme ça, mais on voit aussi le vaisseau. Alors, je ne sais pas comment la caméra peut filmer la personne qui parle dans le vaisseau, puis le vaisseau qui est à l'extérieur. En même temps, tu sais. Donc, il y a des choses comme ça. Puis on apprend aussi que quand on a trop de soleil, on devient radioactif. Non? Oui. Ben, comme ça. Superman. Ouais, Superman 4. C'est ça. Tu sais, t'as deux soleils, là. Puis ce qui fait que, ce qui a fait d'ailleurs en sorte que c'est l'origine du super géant de la Terre thaïlandais. Okay. C'est que c'est une petite statue entourée dans le sol, exposée au soleil, qui devient radioactive, avec des nervures humaines à l'intérieur. Puis qui grandit. Et qui grandit. Ah oui, ben c'est bon à savoir en cette période de canicule, messieurs, dames. Là, c'est pour faites vous attention, trop, là. Si vous avez une statue d'Elvis en plâtre, faites attention. Ouais, un jardin, une petite vierge qui vient se venger. Mais, donc, ouais, je pense que tout s'explique. Là. Tout s'explique, tout s'explique. Donc, outre les décors à tout casser, tout ça, c'est vraiment les dialogues qui sont à la hauteur, aussi à la hauteur des films de Kung Fu doublés. Ouais. Alors, les grands géants méchants disent « Alors, attention, pousse-toi, abruti !» Donc, c'est aussi quelque chose qui ajoute au charme. Mais l'histoire, c'est un peu, franchement, difficile à résumer. Je vous dirais que... Ben, je pense que tu l'as résumé avec les extraterrestres qui voulaient envahir la Terre. Oui, facilement. Mais ce qui est très important à savoir, c'est que, contrairement à beaucoup de films comme ça où, bon, t'as des combats sporadiques, mais là, ce qui est vraiment génial, c'est que t'as à peu près 30 minutes de combat entre des gens, des monstres géants. Comme ça, non-stop. À la fin. Vraiment, ça n'arrête pas, là. Ce qui fait que c'est vraiment la grande valeur de ce film. T'en as pour ton argent. T'en as vraiment pour ton argent. Puis juste comme t'es plus capable, là. Ouais, parce que souvent, les Godzilla, c'était ça le problème aussi, hein. T'sais, ils gardaient tout pour la fin ou un petit peu au début. Puis là, après ça, ben, t'avais plein de monde qui était inconséquent, qui parlait dans des bureaux. Puis là, à un moment donné, t'avais l'explosion de la fin, puis là, ben, t'étais content, parce que c'est ce qu'on veut. Là, on veut voir des boîtes qui se font détruire. Oui, ouais, des gens qui kickent des boîtes de maison, qui leur tombent sur le pied, puis qui kickent encore, ça. Comme ça dans ce film-là, par exemple. Ça, c'est... Puis des costumes, évidemment, les costumes d'extraterrestres dans les années 70, déjà en soi, c'est toujours un grand bonheur que les voir, que ouais. Puis ils sautent avec un casque de moto, puis un saut doré, c'est des pitons qui éclairent, puis des rubans magnétiques qui tournent, puis c'est supposé être scientifique. Là. Ouais. La mode extraterrestre des années 70, c'est un peu n'importe quoi. Hein, si je suis convaincu. Fait que ça, c'est comment ça s'appelait, celle-là? Ah, ça, c'est Les Hommes d'une autre planète. Ça, c'est la version française. OK, parfait, ouais. Ça. Excellent, ouais. Merci, voilà. Stéphane. Je t'en prie. Hey, vas-y, t'en avais un autre, là? Oui, oui, ben, je peux vous parler d'un autre film. Je pense que quelqu'un d'autre dans le groupe ici a vu, c'est Rubber. Rubber, oui. Alors, on pourrait peut-être faire un petit échange là-dessus. D'accord. Déjà, rappelle-moi ton nom. Bruno. Bruno, Bruno. Ouais. Alors, toi, comment t'as trouvé ça, Bruno? Je vous interromps, ouais. Moi, je l'ai pas vu. Ouais, c'est bon. Ça va aider, sûrement. En passant, le pneu s'appelle Robert. On apprend ça à la fin. Le pneu s'appelle Robert. On apprend à la fin au générique. Le pneu s'appelle Robert. Robert, vous savez. Moi, j'ai bien... C'est un film qui se base complètement sur un concept qui est expliqué au début, qui est le no reason. Donc, que dans un film, souvent, il y a des choses qui arrivent pour apparemment aucune raison. Dans ce film-là, tout ce qui arrive pour aucune raison. À partir du moment que tu comprends ça, le film, là je mets des guillemets, fait du sens. Ben oui. Il prend tout son sens dans le long sens. C'est comme un chien andalou de Dali, mais 75 ans trop tard. Ben, un peu. C'est dans le sens où c'est ça commence, puis t'as un pneu. Ben, ça commence, puis t'as un gars qui explique ça à une audience qui est absente. Oui, puis il fait référence à plein de films où, justement, il y a des non-sens. Moi, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Ouais. Par exemple, dans Love Story, pourquoi que les deux personnes tombent amoureuses? Ouais. No reason. No reason. Pourquoi que... Dans Pretty Woman, c'est une pute. Ouais, ben là, il y en avait une, ou bien, je sais pas, il disait aussi, pourquoi dans le Texas... Chainsaw Massacre, pourquoi personne va aux toilettes ou se lave les mains comme les gens le font dans la vraie vie? Ben, il y a pas raison. Pas raison. Pourquoi dans E.T. l'extraterrestre est brun? C'est ça. Ou pourquoi dans The Pianist, le gars, il joue très bien, puis c'est un gars, tu sais, qui est un peu fucké, qui a des hype, puis tout ça, là. Il y a pas de raison. Tu sais, c'est quand même un contexte intellectuel, là. Tu sais, c'est marquant, ça. Ouais. Puis celle-là, est-ce qu'on le conseille ou... Oh, ben, c'est un top. Ça, j'avoue, l'autre dont j'ai parlé tantôt, même les néophytes dans le film Poche peuvent l'apprécier quand même. Celui-là, il faut quand même... Il faut être un petit peu tough pour se rendre jusqu'à la fin. Celui-là, moi, je pense que ça va hors de la portée du douteur parce que c'est tellement assumé que c'est plus comme un essai... Sur tu dirais genre sur plus ou moins 6. Ou 7 même, je dirais. Ouais, okay. Ben, comment je dirais, c'est un peu comme The Attack of the Killer Tomatoes. On avait fait exprès pour que ça soit poche. Ouais, puis c'est plate. Ben, attention, le premier est plate, le deuxième et le troisième sont excellents. Sauf que, disons que l'avantage que Robert a sur ces films-là, c'est que il y a clairement un esprit artistique derrière, la photographie est soignée. Elle est remarquable, oui. Le jeu des acteurs est excellent. Tout fonctionne, sauf que ça... Ce qui se passe, c'est qu'il y a un pneu qui se promène et qui tue du monde. Oui, mais il y a quand même on essaie de développer la psychologie du pneu. Ouais. Parce que au début, quand il y a la misère à se lever, il tombe. T'sais, c'est un exemple pour notre vie quand même. Tu es dans le désert, tu es perdu, tu penses que tu es pourriture, ordure complète dans le désert. Non! Grâce à la puissance de ta force, tu explores lentement ton environnement. Tu commences certainement, ça commence par une bouteille en plastique, une bouteille d'eau en plastique. Quand il commence à, il affrode un petit peu, il dit est-ce que je vois, puis après, il roule dessus. Il roule dessus, il l'écrase fièrement. Ça fait une cacane aussi, une cacane en fer. Il les essaye tout. Une bouteille de bière, mais là, grâce à la bouteille de bière, il apprend qu'il peut faire exploser par la puissance de son esprit. De sa pensée. De sa pensée. C'est encore la métapsychologie. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il va faire exploser la tête de plusieurs personnes dans le film, simplement par la puissance de son intellect. Voilà. Et voilà, méfiez-vous des pneus, c'est le moyen, le message de fond. Et voilà, et même un pneu peut être amoureux. Ça, c'est quelque chose. Et peut regarder la télé aussi. Oui. Ah ouais. Mais il ne peut pas nager. Ça, il y a toute une longue discussion. Il y a une longue discussion sur le fait qu'un pneu, ça flotte pas. C'est simplement la trip qui flotte, donc, pas le pneu. Donc, celui-là, il s'appelle Robert. Ouais. Hey, mais merci beaucoup, Stéphane. Ah, ben, ça m'a fait plaisir. On va y revenir tantôt, c'est sûr. Avant d'aller vers la chronique de notre ami Étienne Forêt, je pense que je vais. Tu casses Forêt. Je pense que je vais mettre la toune de Steve que j'ai découvert sur Internet. OK, ben, je peux-tu faire une mini-présentation avant? Ben, certain. Parce que moi, je voulais en parler justement de Steve. Ben, oui, c'est... on le rappelle. Le bonvenu à 70%. Salut, c'est Fred. Salut, Fred. Allô? Ouais, excusez, je peux toujours pas être à l'émission, mais on m'a toujours pas laissé sortir de prison, là, aussi. Mais t'as eu droit à un autre appel. Allez. Là, j'ai pu me négocier ça, là, sauf que là, si... Je peux pas dormir, je peux pas dormir. Mon col, ça qu'il y a une tapette, man, pis je te jure qu'il a aimé mon cul en crise. Fait que là, il me lâche pas, man. Si je veux garder mon anus vierge, je vais dormir, car il est écœuré. Ça me donne le temps de lire le journal, par exemple. J'ai une maudite bonne nouvelle pour vous autres. L'avocate de Lindsay Lohan vient de démissionner. Ha ha ha! Je trop bonne, moi. On va tellement bien dormir. Ah, Chris. Hey, il était temps, tu sais. Même elle a compris, elle était carrée et plus capable, man. Là, en tout cas, je passe en cours, là. Je vais avoir ma sentence au courant de la semaine, là. Fait que je vais essayer de traîner une enregistreuse cachée dans mes poches, là. Puis je vais vous enregistrer ça pour l'émission de la semaine prochaine. Ça va être génial, wow. Mon gars. Et puis s'il y a un problème, tu le diras qu'on te connaît pas, hein. Ouais, c'est pas bon. Bien spécifié, all right. Je vous promets rien. Bon, ben, à tantôt, mon gars. On va aller te voir, là. On va peut-être aller projeter le samouraï de L.A. dans ta cellule. Venez me voir, s'il vous plaît. All right. On va t'apporter un gâteau avec une lime dedans. Un gâteau à lime. Ouais. C'est un gâteau à lime, j'aime ça. C'est bon, OK, right. Bon, ben, c'est ça, ouais. Là. Fais attention à toi, là. Bon, ben, parle-moi de Steve. Oui, ben, c'est ça, Steve Marcotte, l'auteur, compositeur, interprète de la chanson Cédrica, Les Chemises, Nos Soldats, puis un autre que je connais pas encore, apparemment, m'a écrit le 9 juillet, donc c'est-à-dire il y a 3 jours. Puis le sujet de son mail, c'était Hey, Ticas. Donc ça commençait prometteur. Puis là, finalement, le texte, c'est Tu me supprimes mes tunes de sur ton site, s'il vous plaît. Sinon, on va être obligé de te réclamer des 5 de piastres, 5 de piastres, 5 de piastres pour la diffusion. Steve Marcotte. Puis là, il a copié-collé les 3 titres des tunes, de ces tunes qui sont sur mon site. Donc, évidemment, il parlait de Radio Cochonnerie. J'imagine que lui, il a googlé son nom, puis il est tombé là-dessus, puis là, il n'était pas content. Moi, je vois ça clairement comme un appel à l'aide, cette affaire-là, de la façon dont c'est formulé. Il sait pas, lui, encore, qu'il y a rien qu'à s'inscrire à ce camp, puis il va justement recevoir de l'argent quand je joue ses tunes. Même affaire quand on les joue ici. Fait que moi, je me suis dit, je vais faire un petit aparté sur ma chronique nature, puis on va quand même faire jouer une ou deux de ses tunes. On va les endurer tous ensemble pour lui, parce qu'il a clairement besoin d'argent. Puis là, je vais y mettre sa feuille de route, puis il va recevoir de l'argent. Fait que l'important, c'est qu'il aille s'inscrire à Socan. C'est Steve, ça. Si c'est tu ça. Nous entends, va t'inscrire Vas-y à Socan. Vas-y t'inscrire à Socan, man. Puis tu vas en avoir de l'argent. T'auras même pas besoin de me poursuivre, parce qu'en fait, t'as pas le droit de me poursuivre, puisque je paye pour faire jouer tes tunes. J'ai essayé de lui répondre, ça, c'est intéressant. J'ai cliqué sur le bouton reply, puis là, j'ai envoyé une réponse. Puis la réponse a rebondi en me disant que l'adresse existe pas. Donc, il m'a envoyé un mail auquel il est impossible de répondre. Je l'ai retrouvé sur Facebook, j'ai envoyé un message. Je l'ai retrouvé aussi sur YouTube, puis j'ai envoyé un message. Puis j'ai jamais eu de suivi là-dessus. Fait que je sais pas trop qu'est-ce qu'il pense de ma réponse, mais en tout cas, moi, je dis s'inscrire à Socan. Ouais, j'ai réponse? Tout expliqué l'affaire, puis j'ai dit qu'il allait justement recevoir de l'argent, puis que si c'était ça le problème, ben, c'était déjà réglé. Donc, imagine vivre dans un monde où chaque créateur d'œuvre a le dernier mot sur la diffusion de son affaire. Oui, c'est ça. Comment ça devient parano. On n'a pas le droit de diffuser ces tunes. À quoi ça sert de faire des tunes puis de faire un disque si les gens peuvent pas l'écouter? Ben oui, c'est ça. C'est fou, ça. Ça me rappelle Danny Gilmore de jadis. Oui, effectivement. Son film, on voulait le projeter en avant de 100 personnes, puis il y a quelques crises. Fait que là, à la place, son film, personne ne l'a vu. Ah oui. il a gagné. Il a gagné, c'est ça. Il a gagné son point de vue. En tout cas, nous autres, ça, t'as-tu fini ton petit aparté? Oui, ouais, c'était pas ça. On va mettre. Toi, tu voulais mettre une tune que je connaissais pas. Ça s'appelle Laurie. Vous allez reconnaître tout de suite le doigté particulier de Steve et Savoiro qui nous rappelle les frères Lapointe qu'on adore. C'est en 2008, il lance l'affaire, lui il dit c'est une petite toune pour te rappeler ton ex JR. La fille s'appelle pas Laurie pour vrai, il prend la peine de spécifier. Okay. Et quand il dit mets les voiles au lieu de mettre le voile, ça veut dire. C'est une dénonciation de tous les intégrismes et non pas un backing des charters de Sarko. Et voilà, on est d'accord là-dessus. On écoute ici Steve et Laurie. Alors ici Martin Richard, Marie-Ève Girard, Isabelle Dessel, Pierre Beaumard. Et vous êtes à 70% la meilleure émission de Choc FM. C'est sûr. C'était qui ça déjà? C'est Vendeur. C'était Crème Brûlée ça. Ah oui. Okay. Oui, il nous arrivait à peu près au début de la cheville les autres émissions de Choc FM. Ouais, ouais, dans ce temps-là. Hein. Nos belles années. Hey, Forêt, vas-y man. Ouais, ok. Fait que on va y aller avec un peu de... Steve Marcotte, non. Laurie, à la fin, il l'a dit, hein. Il a dit décollé. Ah oh oui, ça Ah, il a dit ça. Ah oh, ouais. Pas, j'étais en train de dire que je trouvais qu'il sonnait comme quelqu'un d'autre. Ouais, ouais, fait comme boum, des la pointe. Pointe. Ouais. Des chambins. En tout cas. L'important, c'est que Steve ait fait un petit peu d'argent grâce à vous tous aujourd'hui. Et voilà. Et donc, comme dirait Patoff, on l'applaudit. Et voilà. Donc, la semaine passée, j'ai commencé sur un trip retour à la nature suite à mon expérience de pêche au lac Saint-Jean. Fait que j'ai encore des trucs qui ont un peu rapport avec la nature, les animaux, les belles choses comme ça. Je vous passe ça tout de suite. Déjà, j'ai une toune assez moderne de Dominique Clément qui s'appelle « Dans ma cabane en bois rond ». Ça t'étonnera pas trop si Steve Marcotte qu'on est. Fait que ça fait vraiment pêche au lac Saint-Jean. On s'imagine dans le pick-up. Loin des routes, des autos, ta TV pis de la radio, dans ma cabane en bio. Ok, c'est correct, on l'a entendu au complet. Bon, c'est vraiment original, hein? Ça me rappelle la toune en joke que mon frère avait fait. C'est vrai, oui, ça ressemble à ça. Ouais, c'est une barre d'un feu avec les chums. La gang. La gang. Il manquait de la publicité de guerre, là. Ouais, c'est ça, une caisse de bière. Pour que ce soit parfait. Une guitare à la main. Une douce de bas. Un autobus de babe. Ouais, la dope en masse. Oui, bébé, va te montrer ma petite tweet. Qui c'est qui a chanté ça, tu dis? Dominique Clément. Apparemment, il y a une certaine notoriété. Moi, je le connaissais pas du tout. Ben, c'est bien produit, ça. Là. C'est... Ouais, ouais, c'est ça. Il y a quand ça, même ça sonne budget. Quand même professionnel, le son. Là. Ouais, ouais. Le son. Dans ma cabane en bois. Ça sonne pop québécoise, très générique. C'est ouais, assez c'est intense. Je suis pas tombé en amour. Ça pourrait être une toune de remplissage d'un album de Richard Séguin. Oui, ouais, exactement. Ouais, c'est ouais. Probablement ça que c'était d'ailleurs. Ouais. Je pense qu'on en a vraiment beaucoup trop dit sur cette chanson. Et voilà! Next! Fait qu'on enchaîne avec un grand classique, là. Je pouvais pas m'empêcher de mettre un petit peu de Normand. Pinceau. Ça, évidemment, on l'a entendu beaucoup, fait que c'est juste un petit clin d'œil dans mon ami. Parce que c'est un pinceau dans un buisson, toi, tu considères que c'est la nature. C'est la nature? Ben, c'est... écoute, qu'est-ce que tu veux de plus naturel qu'un pinceau dans un buisson? Faut qu'il n'y a pas raison! Ma chanson. Hey là. Dans le buisson. Oh. Ok, next. Le clin d'œil est assez. Oui, le clin d'œil est fait. Le clin d'œil fait mal toujours quand même. On va y aller avec quelque chose de plus spirituel. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps ça le danger quand t'es plus capable. Tu dis next, puis c'est encore pire. Fait que là, on est dans un plat de jello qui est en train de fermer. Oui, exactement. C'est en train de devenir dur et rouge autour de nous. Ouais. Oh, qui va reconnaître le premier? Oh, c'est pas Bibi Geneviève, ça? C'est cadeau. C'est pas Jérémy. Bibi et Geneviève. C'est toi qui me l'as dit, penché sur mon dessus. Là, on écoute le petit Jérémy à 70% qui nous chante comme un papillon. C'est hors mandat, ça? Ça, c'est correct. Non, c'est correct, ça. Il a été backé par l'Empire québécois. Je sais pas. Avec ses petits riens, sac. On va se rendre au refrain. Comme la loi non écrite de la cible. Ben, ça fait quasiment une voix de starlette française qui chante, hein. C'est presque aussi bon. C'est pas facile. C'est pas facile, hein. J'ai présentement des erreurs les plus pires, hein? J'essaie d'atteindre la toune, la phrase du titre. Pour clore là-dessus. Je pense que c'est là. Et voilà. Comme un papillon. Imagine le grand Jérémy maintenant. Ça va être beau, hein? Ouais. Ça s'en vient, là, ça, sûrement. Là. Comme un avion. comme le petit Archie, puis ben exactement, Archie. Voilà. Mais dans le bon ordre. On présume qu'on a un grand Jérémy. Ben sûrement. Ça fait déjà 4 ans, cet album-là. Ah oui, on a un moyen Jérémy, certain. Ouais, oh, ouais. Il doit être pas mal dans l'adolescence. Imaginez, quand sa voix va buer, c'est encore plus beau. Mais y avait-tu comme une maladie dégénérative qui faisait qu'il y avait de la publicité? Qui allait jamais arriver. Ouais. Il y avait une publicité. OK, on va passer à un dossier équestre. On rappelle que c'est sa mère qui avait fait le site Internet. Ah oui, ah aussi, ça paraissait. Hein? Ouais. Donc, un petit bout équestre. J'ai une belle chanson tirée de l'album 16 Tunes Comic Western. Fait que c'est toujours drôle, là, ça. C'est les Wagoners qui chantent la chanson « Le Wawal du shérif ». Puis ça, c'est la particularité qu'on comprend à peu près rien de ce qui est dit. Ben oui, parce que t'as juste dit le titre, puis j'ai rien compris. T'as juste dit le titre, puis j'étais déjà fâché. Ah ben gueule! Ah ben gueule! Sacré ben gueule! Ta mère pue la ouine, malure en malurette. Ta mère pue la ouine, malure en malurette. Ceux qui disent que le terroir québécois a jamais rien donné d'autre que des crotons, là. Ça va être un petit combat. Ah! Sacré beau canoïs! Ok, c'est assez. Ça, c'est sur la programmation régulière de Radio Cochonnerie. Ouais, puis ça joue aussi dans les dimanches matins du terroir. Avec un gars qui tourne la manivelle, là, du... Ouais, de mon serveur. Que les wagonneurs, j'espère qu'ils vont pas m'envoyer des mails de menaces. Ensuite, on va changer de passer d'un cheval à l'autre. Avec André Guitard, qui nous a déjà chanté La Petite Grenouille. Grand classique. Puis il nous chante également Mon Cheval Jaune. Ça, je dédie à ton cousin Sylvain. Parce qu'il l'aime beaucoup. Pas plus Bissec Jaune. Tranchez-vous dans la rue, c'est moins carré, bien plus carré, Bissec Jaune. J'ai un bon cheval, un beau grand cheval jaune. Y'a le bout de la queue rouge, la crinée jaune orange. Y'a les oreilles bleues, puis le bout du nez vert. Si boy quand c'est win, j'ai mal. Moi j'étais un peu capable, mets du gaz dans mon char. Lui écoute pas cher, il mange un clawin. Il couche dans ma chambre, à côté de mon lit. Puis j'y donne son bain, dans la piscine du voisin. Aïe, ok, là, aïe. Moi je suis en train de chercher l'indicatif de notre ami. Julien Bernatchez, pour sauver tranquillement. Ouais, ouais. Moi, je me dis qu'on serait dû là, pour un petit dossier sur le bouctouche. Alarmant, mon gars. Ouais. Alarmant, ça va te préparer pour tes vacances là-bas. Une rare fois, ils font bien le nom, en plus, ce dossier. L'as-tu trouvé, Tony? Ouais, ouais, tout va bien. Je voulais juste, savourer ça. C'est moi qui l'ai classé la semaine dernière. Ah, oh, c'est cool. Ouais. Ouais. Fait que là, je suis en train de baisser ça comme ça. Je suis en train de... Intervention en direct de Satan. Ouais, ouais. Fait que je demandais à Satan de me faire un éducatif. Non, Guillaume. Tu as demandé, Satan te tue. Hein? J'ai dit, Satan te tue. Ouais. Là, il rappelle plus. Là. Non, c'est mon ami Guillaume Sigouin que je salue. Merci, Guillaume. Alors, j'ai un dossier alarmant sur les bouctouches. Là, je suis pas allé avec un classique cette semaine, je le sais, mais bon, on va découvrir, on va explorer ensemble. Ben, Michel Brûlé, c'est un... Michel Brûlé, ouais, bah, quand même. C'est un pilier de... C'est un bon éditeur québécois, là, le fondateur des Intouchables, qui publie entre autres le journal d'Aurélie Laflamme, puis qui est un très bon film. Et la série Amos d'Aragon, qui existe dans le but noble d'avoir un Harry Potter commercial québécois. Là. Fait que c'est aussi effectivement un chanteur. C'est un chanteur qui nous a offert son excellent album Tu zappes ta vie, qui avait le hit À la poubelle, qui portait bien son nom. Le ça, hit, que... ah oui. Oh, ouais, le gros hit. À la poubelle. Ça, puis. D'ailleurs, j'avais vu sur son site web qui est complètement vide une page qui justifiait sa carrière musicale. En entendant dire que j'ai... ça devait être intéressant. Ah, j'ai fait des recherches cette semaine. Aïe! Oh, ouais, tu vas sur son site. Il y a tous les onglets, c'est écrit comme... c'est écrit bientôt, supposons, là, à venir. Mais il n'y a rien, nulle part. On travaille fort, sauf, fort. Sauf, c'est ça, il justifie sa carrière. Fait, en entendant dire que je fais un album, je suis convaincu que bon nombre de personnes se diront que je me paye un trip. En fait, j'ai voulu faire quelque chose qui n'aurait pu émaner de l'industrie de la musique québécoise. Je ne suis pas en train de dire qu'on réinvente la roue sur le plan musical, mais l'engagement des textes se démarque par rapport à ce qui se fait. Fait que Michel Brûlé a inventé la musique à conscience sociale. Ben oui, c'est pas mal. C'est bien quand même, ça. C'est en quoi, ça? C'est en 2002? C'est en 2006, je pense, mais j'ai pas... Il a inventé ça en 2006, quand même. Non, c'est un précurseur. Il y a toujours pensé à l'avant-garde. Quelqu'un pense à ça, quand même. Ça, pensé à ça. Il y a jamais rien eu avant. Non, on a trouvé après ça, Rage Against the Machine, puis Public Enemy, mais ça a suivi. Octobre, tu sais, ça a jamais existé avant. Non, non plus. Puis à part de ça, ben, il ressemble à l'Humpty Dumpty aussi, je tiens à le dire. Puis aussi, c'est un... Il est toujours play comme un œuf aussi. je sais pas, j'ai pas fait de recherche jusque là. Ok. Et puis c'est aussi un auteur, notamment d'un livre qui s'appelle Aïe Aïe, histoire de vampire, écrit Aïe comme l'aliment, de anglais aussi. Et surtout, il a fait de la bande dessinée depuis l'an passé, Les Boucs Touches, qui je considère qu'est la BD québécoise la plus intéressante depuis celle de Patoff, où on a volé la Coupe Stanley. Ah, ouais. Il y avait Beaujoual aussi qui était pas bien. Je cherchais le nom cet après-midi, puis je voulais l'écrire. Oui, Beaujoual, le dernier Huron. Ouais, lui, son point spécial, c'est quand il était choqué, il était fort. Beaujoual, ben oui, c'est ça. Il y avait aussi sur le parc olympique, là, c'était quelque chose aussi. J'ai juste vu le dessus, je ne l'ai pas lu. Mais en tout cas, parle-moi des Boucs Touches. Oui. Oui, il y a BD d'André Arthur aussi, de Mario Malouin. En tout cas, alors aussi, vu que les gens écoutent l'émission sur Internet, bien sûr, ben, je vous conseillerais d'aller sur lesbooktouches.com pour voir de quoi ils ont l'air, les Boucs Touches. Boucs Touches, pas de S, parce que c'est un nom de famille. Puis j'ai apporté ici avec moi aussi trois albums que je peux vous prêter comme ça pour avoir une idée de quoi ça a l'air, les Boucs Touches. Voilà. Wow. Déjà, les couleurs, hein, c'est pas ah, c'est vraiment quelque chose. C'est des dessins. Mm-hmm. Les dessins sont d'un certain Mathieu Bureau, mais j'ai oublié de faire des recherches sur lui, fait que j'ai rien à dire. C'est la victime, la grande victime de cette histoire-là, ouais, dans le fond. Les Boucs Touches étaient publiés dans le journal Métro aussi, puis c'est pas mal à cet endroit-là que la plupart des gens qui ont eu l'honneur de voir ça sont tombés là-dessus. D'ailleurs, moi et mon coloc, on le disait religieusement ça à l'époque, parce qu'on comprenait pas jamais les jokes, parce qu'ils publiaient juste comme 4 cases à la fois. Il fallait que tu découpes chaque jour pour être capable d'avoir une finalité. Moi, je pensais que c'était comme Agar l'horrible ou Blondinette. Puis que, c'est drôle sur le coup, tu sais. Ben, genre. C'est pissant, genre, immédiatement. Je pense que le gars, il manquait une case. Oui, définitivement. Et plusieurs, même. Puis, fait qu'on aimait ça, on adorait haïr ça, là. Fait que ma blonde, que je salue, m'a acheté les trois albums à Noël. Wow. Oui, ça c'est une preuve d'amour indéfectible. Non, c'est précieux, Maud, je t'aime, Maud. Alors, c'est ça. Mais la BD n'est plus publiée dans le journal Métro à cause d'un groupe Facebook, Don't Hello Michel Brûlé, A Forum for Hate Speech. Un groupe Facebook d'anglophones qui comprend 97 personnes et qui ont réussi à coup d'email à faire retirer la BD du célèbre journal pour itinérants à cause de son côté propagandiste. Oh. Mais je pense que le principal défaut des Boucs Touches, en fait, c'est d'être vraiment mauvais. Donc, les Boucs Touches, ben, c'est trois albums. Les Boucs Touches à Star Epidémie, les Boucs Touches à Montréal et les Boucs Touches au Café de la Place Royale, sortis les trois en même temps. Je pense qu'il n'y en aura pas d'autres. C'est parce après, que là, tu lis le premier et tu as tellement hâte de lire le deuxième. J'ai vraiment ils sont pas en plus numérotés. Fait, il fallait que je trouve dans quel ordre, mais j'ai juste dans le bon ordre. C'est que c'est trois tomes 1. Pas plus de rigueur dans les Boucs Touches. Toi, tombe 0. Ouais, c'est ça. Ouais, peut-être la prequel, mais tombe 0 des Boucs Touches. Je vais faire un résumé de chacun des trois albums. Au début des Boucs Touches à Star Epidémie, il y a un gros virus orange censé représenter Michel Brûlé qui explique qu'il pourra pas dire Star Academy parce qu'il pourrait se faire poursuivre. Sinon, ta gueule! Ouais, ça a l'air. Après ça, ils vont faire des éditions pour Star Epidémy, puis dans la file, pour se rendre au studio, un des personnages dit « Je suis tellement nerveux, je pense que je vais chier dans mes culottes. » L'autre lui répond « Ben, quelqu'un qui a eu l'idée avant toi, pointant un yo. » Un yo qui les culottes, ben, tu sais. C'est drôle. Ouais, c'est drôle. Ben, ça, c'est dans le fait que j'ai. C'est de l'humour brûlé. Ouais, c'est bon. Après ça, il y a un speech à dire sur la dictature de la beauté, puis deux cases plus tard, ils mangent des bines, puis du blé d'Inde, puis ils disent qu'ils ont des gaz, puis. Sacré. Puis après, le riche producteur de l'émission fait un accident d'auto, puis découvre qu'être riche rend pas heureux, puis tombe en amour avec une fillette. Mais tous les bonhommes sont lettres là-dedans, mais elle, comme, elle représente une fille lettre dans cet univers-là. ça prenait une lecture plus poussée pour le comprendre. Puis il y en a un qui fait un voyage à Sherbrooke avec Amigo Express pour aller faire pisser son chien sur les vignobles d'Alfonso Gagliano. Ça dure 4 pages, puis ça n'a pas rapport avec rien d'autre dans le livre. C'est juste de plugger Alfonso Gagliano. Genre, là, parce qu'on a le droit d'aller pisser sur son terrain. Bah, c'est ça. Ça fait chier. En passant, si tu veux que je fasse une petite parenthèse là, sur Mathieu Bureau, moi j'ai fait un petit peu de la recherche. Là. Okay. Il est originaire de Savoie, dans les Alpes françaises. Il se voit d'abord destiné à une carrière scientifique, mais se mettra au dessin et complétera sa formation à l'École nationale des arts appliqués et de l'image à Chambéry, en France. Il a rencontré Michel Brûlé à Montréal et ils ont collaborer à la création des Boucs Touches. Merci beaucoup. Voilà, c'est ses premières illustrations dans le monde de la bande dessinée. Moi, je t'ai pas allé jusqu'à l'époque. Puis ce qu'il aime bien faire, lui, dans la vie, c'est remercier ses parents, ainsi que Fabien et Mag. Ah, ben, parfait. Alors. merci. L'information complémentaire là-dessus. Ça, t'apprends que Love Story puis Star Academy, c'est pas bon pour nous. Puis cet album est aussi décousu que ceux qui vont suivre, mais il se démarque par le fait qu'il comprend une histoire. Les autres n'ont pas ce luxe-là. Dans les boucles à Montréal, dans les moments forts, parce qu'il n'y a pas d'intrigue à proprement parler, quelqu'un affirme que la pyramide de Sainte-Foy est plus belle que celle d'Égypte ou du Mexique, que les métros russes sont meilleurs que ceux de Montréal. Il s'ostine qu'il ne faut pas dire prendre une marche, mais faire une marche. Il chiale qu'à Montréal, il y a trop de bruit de sirènes de pompiers, de trous dans les rues, de conducteurs sauvages. Il y a quelqu'un qui vole un vélo quêteux, devant une police. Les quêteux. Oui, les quêteux. Je pense qu'il parle même pas des quêteux. Il a oublié ça. Ben, c'est ça, à part ça, ça chiale contre les jeunes qui ont des sacs à dos parce qu'ils accrochent le monde tout le temps, que les avions dans le ciel font trop de bruit, qu'il y a trop de monde au tam-tam sur le Mont-Royal, que les rues sont tout moi, le temps barrées. Je pense que c'était l'odeur qu'il aurait pu le dire, quand même. Non, ben, Michel Bruyère choisit ses cibles, hein. OK, ouais. Puis, s'il affirme que Jimi Hendrix et Jim Morrison ont été assassinés par la CIA et que les gens qui croient pas que le 11 septembre est un complot du gouvernement américain sont naïfs. Ou ouais. Ils sont brainwashés. Ça, je l'avais trouvé un peu forcé. Ça, c'est pas pire, c'est comme du brainwash à l'envers. Ouais, c'est ça. Donc, mais bon. Soit brainwashé avec moi ou contre moi. Voilà. Ouais. Est-ce que je peux me permettre de jeter un petit quelque chose? Sur la couverture, on voit que ça s'appelle les Bouctouches à Montréal. Puis quand on ouvre deux pages plus loin, ça s'appelle maintenant les Bouctouches à Montréal. Avec un accent grave à la place d'un accent aigu. C'est vraiment original. Ah, ben oui, ah, c'est bon ça. Je n'étais pas allé jusqu'à la première page. Non, c'est pas, ça. Ouais. Moi, j'ai osé. Ouais. Aussi, Alphino aussi dit que 70% des Québécois ont du sang amérindien. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais il dit 70%. Fait que je l'ai noté. Ouais, 70%. Voilà. C'est sûrement vrai. Fait de la pub. Donc, oui. Finalement, un peu comme Tintin au pays des Soviets, c'est juste une suite de mes aventures complètement décousues sans aucune histoire. Maintenant aussi, l'aspect propagandiste, mais ajoutant beaucoup plus de chiolage puis de démagogie. Effectivement, dans cet univers, Montréal est un endroit très dangereux et très hostile. Puis, bah, c'est sûr que objectivement, il y a certains points qui peuvent être valables, mais c'est amené de façon tellement insupportable que ça rend la lecture un petit peu pénible. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pas une caricature sociale. Non, pas évidemment, tout, là, c'est tapé sur une même clé. C'est plutôt une caricature de bande dessinée. Disons en quelque sorte, ouais, ça. Là. Et la cerise sur le sundae de crème glacée d'intolérance, c'est les Bouctouches au café de la Place Royale. Qui se passe au complet dans ce café de Québec et où tout ce que les personnages font, c'est de rester assis là puis chialer. On voit encore un Américain manger un gros hamburger, chiale sur Air Canada, sur la bouffe du McDo qui est servie dans des sacs de vomi, sur la bureaucratie de la ville de Québec pour les propriétaires d'immeubles, sur les filles jeunes qui sortent avec les vieux pour leur argent, sur les cacas de chiens dans les rues de Paris, sur le manque de courtoisie des gens les jours de Boxing Day, qu'on paye trop d'impôts, que les Anglais mangent trop de bacon, qu'on est une bande de colonisés parce qu'on dit jouer au pool à la place de jouer au billard, et que les habitants de cette île sont racistes auprès des Inuits. Mais il y a des fesses. Hein? On voit des fesses. On voit des fesses parfois. Ouais. On voit trois paires de fesses. Moi, j'ai vu des boules même dans. Il y a des boules, hein. Café de la Place Royale. Ah, ça, mais ça n'a un bon, celui-là, vraiment. Ouais. Puis encore là, même, je nomme le corps des choses qui chialent là-dedans. J'ai noté une belle évolution entre les albums. Il y a de moins en moins d'histoires et de plus en plus de chiolage. Et dès le premier album, il y a beaucoup de chiolage et très peu d'histoires. Fait que c'est une idée. Oh, j'ai vu une belle réflexion ici. Il faut vraiment, je pense... Vas-y. Ben, je sais pas. Quand les Japonais, les Chinois, les Coréens et les Russes s'uniront pour envahir le continent nord-américain, nous sortirons des entrailles de la Terre. Voilà, ben ça, c'est... Oh, quand même, hein? C'est une case des Bouctouches. Imaginez trois albums complets. Ça veut dire? Je sais pas, mais en tout cas... Ah, c'est ça, c'est tout le temps des propos décousus, dangereux, étranges, déprimants. Les Bouctouches, c'est comme un gars que t'invites à la maison pour boire une bière, puis là, tout ce qu'il fait de la soirée, c'est chialer contre le système, contre ton voisin qui joue de la musique un peu trop fort. Ça, c'est le fun. Et contre les Anglais, contre les Américains. Juste avant de s'en aller, il dit qu'il t'aime. Ouais, pis, mais il n'y a pas d'humour, puis il apporte pas de solution. Fait que ça prend pas trop de temps que t'as envie qu'il calisse son camp. Donc, les albums donnent une lecture, dépendamment de votre humeur, soit frustrante, soit déprimante, mais toujours décevante. Je donnerais donc 8.5 sur 10 et je vous les conseille. Ben d'ailleurs, je pense que je vais te les emprunter les trois, moi, pour bien la soirée. Bien sûr, tant que tu me les rapportes, c'est pas pour aller. T'es con, man. Attention, là. Merci beaucoup, Julien Bernatchez. Merci à toi, c'est Denis. Un plaisir à chaque fois. Toujours. Je vais baisser ça ici un petit peu. Tout le monde se rappelle que dans Karate Kid, le premier, là, à un moment donné, il y a comme une toune des héros là, de Joe Esposito. Mais peu de gens se rappellent la toune générique de la fin qui est excellente. Elle ne dure pas trop longtemps. Là. On va écouter ça. Puis je vais revenir après ça avec des nouvelles avec Bruno. Puis on va parler de l'excellent Samouraï de L.A. J'ai un beau gros texte pour vous autres. Là. On est à 70%. C'est comme d'habitude. Écoutez comment ils sont heureux. C'était pour vous autres, les gars! yourself? What are you searching for? Deep in the night, a dream is born, one that you can't ignore. If you think you can find the passion and you're ready to take the chance, if you really believe you can make it, then the power is in your own hands. It's the moment of truth. So you hear the voice answering to the call. Though you know that it won't be easy, it's a promise you made for love, for the people that keep believing and the one that you're thinking of. It's the moment of truth. L'association est bien trop faible. Drette dedans, toi. Mon ami, il est préférable de s'entendre. À mon avis, il faut pactiser avec les autres gangs entre Japonais et Chinois. Al Capone le disait. Dans il y a films. Bien assez de pognon à prendre dans notre boulot pour tout le monde. C'est l'avis de Fujiyama. Il veut passer accord avec certains gangs chinois, pas avec les Japonais. Surtout avec le Kinza. Voilà notre patron. Okamura, tu as des problèmes? Faisons la paix. Non, je ne m'abaisserai pas à passer des accords. Tu veux imposer notre loi? Oui, oui. Quand? Maintenant, je vais avoir les tripes du vieux chinois. Bon. T'as entendu les ordres? Je suis contre cette violence. Okamura, ce n'est pas à nous de décider. On doit juste obéir aux ordres du katana. Ta-ta-tan! Nous gagnerons. Prennent leur ordre d'un épée. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le nom de code du gars. C'est comme Female Ninja Robot, là. OK, OK, c'est juste un nom, c'est pas, ça, c'est pas vraiment une femme. Parce c'est pas vraiment un ninja. Hey, ça me fait vraiment plaisir de vous parler de ça à soir. C'est le samouraï de L.A. Avant de se lancer dans le film, on va parler de Robert Sdar un petit peu, parce que c'est probablement son meilleur rôle au cinéma, et puis ben, c'est le temps d'en parler. Hein. Donc, samouraï de L.A. sur IMDb, ce film entre dans les catégories action et comédie. Ce qui est le plus weird, c'est qu'il n'y a personne de l'équipe qui avait l'impression de jouer dans une comédie. Nulle part sur la pochette originale est-il mention qu'on va rire. Et outre la présence notoire de Gerald Okamura, qui a réussi à trouver du temps entre le tournage de deux films cheap pour venir participer au tournage de celui-ci, l'humour ne peut être volontaire. Parlant de Gerald Okamura, de mémoire, à part la fois qu'il est en bédaine pour rien dans Ninja Academy, c'est la seule fois où on voit ses mamelons dans le film de ce soir. Et quel rendu glorieux dans son habit d'Adam le plus pur. En fait, il me semble qu'il y a un speedo, là, mais je n'osais pas regarder là. Donc, Gérald Okamura joue ce soir le rôle de d'Okamura. C'est quand même pas pire, ça. J'aime ça quand il nous faut ça. Mais oui. Donner le même nom au personnage qu'au gars, comme c'est ça, moins tu compliqué. Peux pas te tromper. Puis tu sais, il allait en tourner trois autres la même après-midi, c'est sûr. Lui, il est dans tout. C'était moins mêlant ce coup-là. Et voilà. Mais sinon, c'est pas vraiment de lui que je veux vous parler, c'est de Robert Sdar que je veux vous parler. Robert Sdar, c'est lui qui joue le méchant dans le film de ce soir. Le film de ce soir, c'est Joe Marshall face au katana. On a parlé, le samouraï face à Robert Sdar. Et ça, ben, c'est ça, on parle de Robert Sdar, qui est né à Chicago en 1950, à peine quelques instants après sa mâchoire. Ceux qui ne le savent pas seront contents d'apprendre que Chicago, la grande ville américaine, est un petit peu le Paris des années 1910 à 1950, avant que New York prenne la relève. C'est drôle parce que c'est à peu près en même temps que Robert Sdar est né, fait que je sais pas si ça a leur rapport. Ça, ça, ça, bien. Robert Sdar originellement Zdarsky, mais il a changé parce que ça avait trop l'air d'une joke sûrement. Il n'aimait pas le ski. Hein. Ouais, ça se peut, hein, on sait pas trop. En tout cas, ben c'est ça, c'est que le seul consensus vérifiable, en fait, le premier consensus vérifiable entre Robert Sdar et son maxillaire inférieur, c'est les arts. C'est à partir de 1960, il est devenu guitariste, keyboardiste du groupe Nova Express. Il me semble qu'il faut faire un coup qu'on dit ça. C'est clair. C'est ça. Tu veux le faire? Le nom du groupe. OK, du groupe Nova Express. Excellent, merci les gars. Et puis bien sûr, on imagine même comment une autre entité que lui aurait pu jouer des deux instruments en même temps, c'est-à-dire de la guitare et du keyboard, mais lui est équipé pour. Il y a quatre mains. Et puis c'est la déchéance totale de 73 à 75, la légende veut qu'il est allé danser pour les Chippendales en enlevant encore sur l'héritage des goûts esthétiques de ses belles années pastel. Puis Robert devient acteur. Du moins, c'est pour ça qu'il est allé étudier l'acting en Arizona. Car qui n'a jamais entendu parler des prodiges shakespeariens formés à la très prestigieuse école d'acting de l'Arizona? Tu sais, il est né à Chicago, il est allé en Arizona. En tout cas, au rendu depuis Zebra Force en 1976, on compte 99 entrées de films de Robert Sdar sur Wikipédia. C'est quand même pas mal. Hein? Dans ce lot, son plus grand rôle fut celui du méchant nommé Face et qui est plus méchant que les autres méchants dans Tango et Cash, un Golan Globus de 86. Tu sais, un Golan Globus avec Kurt Russell, Sly et Jack Palance. Wow! Ouais, c'était du film, ça. Ouais. C'était très prestigieux. De notre côté, à douteux.org, Sdar est considéré un peu comme un extra bacon douteux involontaire qui revient régulièrement au travers de sources aussi disparates que Super Hell, Psycho Cop, Pocket Ninja et Body Movie numéro 6983. Et comme Sdar est toujours précédé par sa mâchoire, je suis content de vous informer que les fans du monsieur auront le privilège de pouvoir voter pour deux autres moins 7 dans les semaines qui viennent. Super Hell et Pocket Ninja, deux films dans lesquels Sdar et son contour de face tiennent des rôles de composition. Oh, et pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pourrez reconnaître facilement Robert Sdar dans Le Samouraï de L.A. à sa face particulière et qui contient un indice, il a un tout petit nez. Vous remarquerez bien. C'est ça qu'on remarque le plus quand on regarde Robert Sdar. C'est tout un quelqu'un. Là, on a écouté un petit peu les méchants qui est en train de faire des méchants, des plans de méchants. Tu sais, quand t'es méchant, tu passes tes après-midi à faire ça, c'est sûr et certain. Là. Sinon quoi? Faut que t'aies un papier de méchanceté, là. Tu demandes à ton boss, là, puis il dit « OK, pour cet après-midi, t'as le droit de pas être méchant, là, c'est correct, là, mais tu sais... » Prends un break de méchanceté, des c'est fois. C'est ça, là, tu reviens demain, là, mais j'ai besoin de toi, là. Hein? Fait que là, on va être au commissariat, j'ai bien l'impression. Patron? Ah non, c'est le katana. Bon, ouais, ouais, écoutez bien ça. Le patron est arrivé. Ça a créé tout un émoi. Ouais, c'est ça, gros party. On demanderait aux mouches de sortir. Sauf elle. Alors, il l'appelle le samouraï. Ouais. Son véritable nom est Joe Marshall. Surnom, le samouraï. Il parle couramment le japonais. Les arts martiaux lui ont été donnés par les maîtres japonais. Il est en mission ici pour aider la police locale à nous abattre. Nous abattre. M'abattre, moi. Pour détruire mon organisation. Pour vous tuer, tuer tous mes hommes, pour me passer les menottes. et me conduire à la chambre à gaz. Le tuer, tuer tous ses hommes et lui passer les menottes et ensuite l'amener à la chambre le à gaz. Le samouraï. Ouais. Dans cet ordre. S'il est un samouraï, vous, qui êtes-vous? Je vais le rencontrer et lui apprendre qui est le véritable samouraï. Tu as retrouvé notre blessé? Oui, maître. Je connais l'hôpital et la chambre. Il est gravement brûlé. Trop gravement. Il l'a pas dessiné, ça, ouais. Il ne parlera plus jamais. Je veux sa mort. Qu'on m'apporte sa tête ici. Je veux sa tête sur ce piano pour que tous les membres de mon organisation sachent qu'il ne doit pas être capturé vivant. Un mort ne parle pas. J'ai dit. J'ai dit. Ou mercredi. Là, ce qu'on a appris, c'est que... J'apporterai sa tête, je la poserai sur le piano. Voilà. Tu es un vrai samouraï, toi. Les samouraïs font tout ça tous les jours, ouais, c'est connu. Ça. Les têtes, c'est piano. Et les, ils jouent tout piano. Ils se vantent d'être capables de tuer du monde. Là, c'est Joe. C'est Joe, le samouraï. Le flic samouraï. Ah, c'est pas Joe le taxi, là. Non, non. Là, il est au commissariat de police, vous allez voir. Tu es un vrai samouraï, toi. Non, pas toi, l'autre. J'ai un truc, moi, pour me faire les plus belles filles. Je mens au plumard et ça marche toujours. Hé, hey, là, mais... tu déconnes, qu'est-ce que tu racontes? Toi, t'es la première à qui je ne mens pas. Oui, et je te disais, tu l'as... Arrête, j'en ai marre de tes histoires de fesses. Ben, et quand on m'appelle au téléphone et qu'on me dit que c'est... Quel nom? Omaha, Yamaha, quelque chose comme ça, enfin, qui veut ma peau, chaque fois que le téléphone sonne, j'imite la voix de ce cher capitaine. Je hurle à pleine voix, je ne veux plus voir de cadavres dans ma ville. Et je raccroche. Non, et pas de tête sur le piano. Franck. Passez à mon bureau. Oh, c'est le capitaine. J'espère que vous avez bien reconnu la façon très nippone de parler à ses collègues de travail ici. C'était le samouraï qui expliquait à tout le monde comment il faisait pour se faire des filles. C'est-à-dire qu'il lui mentait. Eh oui, voilà. C'est quel beau truc. Sauf à toi, là, celle avec qui je suis. Moi, je le mens pas. Moi, j'embellis la vérité. C'est pas pareil. Hey, ça va nous amener vers David Sud. Salut, Kate. Hey, voilà, elle est contente, elle est venue nous rendre service. Service à nos yeux, mettons. Hey, ça veut dire, Ced, David, moi, je pars l'indicatif que tu m'as demandé, puis après ça, tes prédictions. Ouais. Et puis après ça, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller se faire foutre ou on s'en fout. C'est à peu près ça. Ouais. Et voilà. Ici Jean Perron, si vous voulez être informé au niveau du sport, écoutez 70% et vous allez tout savoir que... En tout cas. Oh, oui, je pense que Uruguay, Pays-Bas, Pays-Bas. Et puis Allemagne, Espagne, je vais mettre l'Allemagne. Et puis Pays-Bas, Allemagne, je vais mettre Pays-Bas. Okay. Voilà. Ah, c'est Pays-Bas. C'est le enregistré. Le Pays-Bas, le gars. Ah, ben, moi, je dirais la même chose que toi, sauf que moi, je dis que c'est l'Allemagne qui va gagner. Et on va voir. Sauf qu'il y avait moins raison, c'est lui qui avait pas raison. Il n'y a personne qui prend pour le Danemark. Moi, je vais dire tout le contraire de toi, juste pour. Juste pour, là, je l'ai bloqué, je voulais pas offusquer personne. Il y a eu des paris qui se sont tenus, c'est qui a gagné finalement? Ben, en fait, on vient d'entendre deux belles bouilles de perdants. Ouais. C'est-à-dire que personne a gagné. C'est pas pire. Puis ça se trouve être le sujet de ma chronique aujourd'hui, on va parler comme des perdants. Des perdants, c'est cool. Moi, le premier, je me suis trompé sur l'ensemble des matchs, ce qui me donne un pas pire de 0%. Ben, ça veut dire qu'Étienne a raison, parce qu'il y a... Ben, moi, j'avais pas spécifié très clairement mon affaire. J'avais dit, je dis tout le contraire de toi. Ouais. Fait que j'ai pas eu tout le contraire non plus, parce que les Pays-Bas ont effectivement gagné. Non, j'ai eu un match, j'ai eu un petit match. Donc, c'est pas loin de zéro. Fait que finalement, c'est pas trop fou. Mais évidemment, on est content que ça soit terminé. Hein? Oui, c'est 4 ans d'attente pour savoir c'est qui allait perdre la finale. c'est quand même une patience de champion. C'est dommage quand même qu'il n'y ait pas un quartier Pays-Bas, parce qu'au moins, là, on aurait pu dormir à Montréal, celui-là. Ouais, c'est vrai. Mais ils ont été tranquilles, mais je pense qu'il y en a dans le nord, juste avant Montréal-Nord, sur Saint-Laurent, un peu plus haut. J'ai vu des drapeaux, en tout cas. Sur Saint-Joseph aussi, j'ai vu beaucoup de drapeaux. À Montréal, ça te prend beaucoup de racines d'ailleurs pour te prétendre venir d'ailleurs. Ouais, non, ça c'est clair. Mais d'ailleurs, je regrette qu'on manque de reconnaissance pour cette fameuse médaille d'argent, parce que le médaillé d'argent, c'est d'abord et avant tout le premier d'une longue liste de perdants. Tu comprends ce que je veux dire? Même s'il faut qu'on attende longtemps avant de savoir ça va être qui, c'est quand même le champion des perdants. Ou c'est comme le dernier aussi. Ouais, ben c'est le dernier qu'on parce apprend. Que c'est le meilleur des perdants. Ça dépend de question de point de vue. Ça dépend de la liste. Ça dépend de la liste, mais on parle quand même... Par en haut ou par en bas. D'une liste d'équipes, tu sais, que les performances n'ont rien rapporté, qui n'ont eu aucune reconnaissance, aucune récompense, juste de la douleur, de la honte, puis à l'occasion, des drames de mœurs. D'ailleurs, j'en ai noté quelques-uns pour vous aujourd'hui. J'ai noté les types de perdants qu'on retrouve dans le football. Évidemment, on a le bon perdant qu'on peut simplement qualifier de perdant. On le reconnaît par un manque évident d'estime de soi. On parle de celui qui va aller remercier ou qui va féliciter l'adversaire après le match. Là, ce genre de perdant-là. Ça, c'est un perdant-loser. Un perdant-loser. J'ai un exemple, Arsène Wenger, l'entraîneur d'Arsenal cette année. Ils ont perdu 4-0 en Ligue des Champions contre Barcelone. Il a tout simplement dit « Nous avons perdu contre une équipe qui était meilleure que nous. 4-0. » Fin de la citation d'un perdant. on a le mauvais perdant aussi, on a Cristiano Ronaldo quand ils sont fait éliminer 1-0 par l'Espagne cette année. C'était le 29 juin donc 2010. A craché dans la caméra qu'il suivait quand il sortait le stade. C'est quand même. Je sais pas trop comment interpréter ça. Je lui donne un carton rouge d'ailleurs pour ça. Peut-être qu'il n'y avait pas de salle de bain dans les stades d'Afrique du Sud, je sais pas. Peut-être juste pas de crachoir. Peut-être pas de crachoir. Ouais. Carton rouge à l'organisation le caméraman était baveux. Peut-être. En tout cas, bel exemple pour les enfants. On a le perdant qui pleure aussi. Là, je donnerai pas de nom parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. On parle de ceux qui oublient qu'il y a comme 78 caméras HD, sont devant 65 000 personnes, 700 millions de spectateurs. Celui qui s'agenouille et qui fait honte à toute sa famille. Non. Il y a son nom de famille dans le dos. Non, la honte. Ouais, mais comment c'était avec Kleenex des fois, tu sais? Faut justifier. Il y a du gazon, ils peuvent se moucher, ils ont des... Inacceptable. Ceux qui sont habitués de la défaite, hein, on parlait des Pays-Bas tantôt avec Étienne. Je vais prendre l'équipe hollandaise en exemple. Marc Van Bommel et puis Arjen Robben, les deux jouent ensemble, sont titulaires pour le Bayern de Munich, qui s'est rendu cette année, au mois de mai, en finale de la Ligue des Champions, qui est la coupe la plus prestigieuse. La coupe de club la plus prestigieuse, certaines mauvaises langues vont dire que c'est même plus important que la Coupe du Monde. Ils ont amené toute la force de leur expérience de perdant pour finalement se faire écraser 2-0 par l'Inter de Milan de José Mourinho. Et donc encore là, je suis sûr que leur nation leur en remercie. Avant-dernier, j'ai mon perdant qui prend toute la place. Il y en a de ça aussi. C'est comme Zidane, ça. C'est comme Zidane et son fameux coup de boule qui a monopolisé l'attention des médias. C'est devenu un héros national, mon gars. International. On parle de plus de recherches sur Google que la victoire italienne. Google News France, de son côté, rapportait 100 recherches quand on tapait Zidane coup de tête. C'est le maximum. Ça veut dire qu'il y en avait probablement plus. Alors que quand on tapait victoire Italie, il n'y en avait que 65. Et finalement, on a le perdant qui paye le prix. OK? Là, je vous amène. C'est lui qui s'est écrit ça en bas de la falaise l'autre fois. Non, mais lui, il n'avait pas encore gagné, en fait. On ne sait pas. Il aurait pu gagner. Il ne s'est juste pas donné la chance. Ouais. Mais bon, c'est ça qui arrive aux suicidés. Hein? Ils ne verront pas le lendemain. Mais non, moi, c'est un match de qualification. Je vous ramène à la Coupe du Monde en 1994 aux États-Unis. Donc, c'était la Colombie qui avait un petit momentum là, dans ce temps-là. Affronte donc les États-Unis. C'est un 22 juin 1994. Dans les matchs de qualif, ils perdent 2-1 suite à un but dans son propre camp par le gardien colombien Andrés Escobar. La Colombie de Pablo? Non, c'est ouais, mais ben, c'est tous de Escobar, mais sûrement que il y a le mot blow dans Pablo, hein. Ouais. La Colombie finit ses trois matchs donc avec une victoire, deux défaites. C'est insuffisant pour passer dans la ronde des 16. Tout ça, donc la Colombie rentre bredouille. Et le 2 juillet 1994, 10 jours après ce match contre les États-Unis, en banlieue de Medellin, Andrés Escobar est assassiné à sa sortie d'un restaurant par un tueur qui, à bout portant, va crier « Goal !» À chaque coup de feu, il a donné 12 coups de feu. Ça y est, c'est le but! Et c'est le but, 12 fois devant tout le monde. Justice. Mais c'est un fan, hein, c'est un fan. L'assassin va recevoir en 95 43 ans de prison, qui va être réduit à 26 3 ans plus tard. Il fera finalement 10 ans, et presque 11, il va être libéré en 2005. Parce qu'il y avait quelqu'un d'autre à descendre. Excellent. Donc, ça conclut mes chroniques parce qu'on s'en fout. On va essayer de te trouver un autre sujet à un moment donné. Qu'est-ce qui est plate, le baseball? Le baseball, c'est plate. Le golf, c'est plate. Le mini-pot, c'est quand même pire. Le mini-pot sur iPhone. Il n'y a plus moyen de diffuser le mini-pot. Moi, je joue au mini-pot sur mon iPhone. Il n'y a plus moyen de suivre ça, le mini-pot. Il ne diffuse pas. Non, c'était plus excitant, le mini-pot, que le golf, moi, je pense. C'est plus drôle. Est-ce qu'il y a encore les darts? Parce qu'à l'époque. Les darts. À la télé, Hey, David Sedd, merci bien gros. C'était pas mal mal dans nos cordes. Je pense que ça, ouais, merci. Hey, Bruno, vas-y, man, fais des nouvelles. Ouais, c'est bon, je vais tout faire qu'est-ce qui me reste, là, parce que, ouais, c'est ça. C'est ça. Je vais faire tout qu'est-ce qui me reste. Alors, il y a un centre commercial de Shenyang, en Chine, qui vient d'ouvrir un magasin où on peut soulager ses frustrations en brisant des affaires. Le magasin est réservé aux femmes seulement. Parce qu'il y a une section de brisateur. Parce que sinon, les gars, ils pèteraient trop fort les affaires, je sais pas. Et contient plusieurs objets usagés achetés de seconde main, comme des téléphones cellulaires, des téléviseurs, mais aussi des papiers à déchirer, des assiettes à lancer et des sacs de fèves à fesser de sûr. Le magasin est divisé en plusieurs parties qui ressemblent à un salon, une chambre à coucher et bientôt une cuisine pour que les clientes aient l'impression d'entrer chez elles et de tout déconcrisser. Les sessions sont limitées à 1 minute et sont gratuites si les clientes ont acheté pour 38 yuan, c'est-à-dire environ 6 piastres de stuff dans le centre commercial. Ah, c'est pas vrai. C'est ton billet, vraiment niaiseux. Dans des affaires. Quelle bonne idée. Fait que c'est quoi? C'est te contrôler jusqu'à temps que tu n'aies plus besoin de te contrôler. C'est voilà. Ça, être humain mature, ça. Mm-hmm. Non, mais c'est important d'avoir un moment où on peut lâcher la soupape un peu. Va faire du kickboxing ou trouve-toi un power fuck. Niaise-moi pas, hostie. Ouais, mais il y a le cri primal aussi. Je pense que c'est utile des fois le cri primal. Ben oui, hey, là, allez péter des affaires. Il y a vite le monde qui se lâche lousse en chauffeur de taxi qui tue 12 de ses clients, puis des choses comme ça. Il y a pas un restaurant sur Saint-Denis que tu peux prendre des vinyles puis les lancer sur le mur à la fin au lieu de prendre un dessert? Ah ouais. Sur Saint-Laurent, je vais vous trouver ça. Il n'y a pas un bar où tu peux lancer des merci Bruno, j'ai fait tout. OK, la police de Germantown au Tennessee a été contactée suite à un appel concernant une femme stationnée en avant de Arlington Middle School et affalée sur son volant. Kelly Moss, 48 ans, était dans le siège conducteur partiellement stationné entre l'entrée de l'école et le trottoir. Ses paroles étaient fragmentées. Elle était incapable de se lever ou de marcher sans assistance. L'officier a alors remarqué une bouteille d'extrait de vanille contenant 35% d'alcool et l'odeur de la laine de la femme qui sentait très fort la vanille. Est-ce qu'elle écoutait Vanilla Ice en plus? Non, l'histoire ne le dit pas en tout cas. Elle s'était fait des drinks avec du Coca-Cola et de l'extrait de vanille. Alors on dit c'est ça qui arrive quand Coca-Cola discontinue des produits. Il y a 10 innocentes victimes qui se font arrêter pour conduite en état d'ébriété. Non, pour vrai, c'était sa troisième arrestation pour conduite en état d'ébriété. Elle s'est saoulée à l'extrait de vanille. C'est un truc à essayer à la maison. Si vous êtes des enfants, vous pouvez pas acheter de l'alcool. Tu peux acheter de l'extrait de vanille. Extrait de vanille. Sinon, il y a du dishwasher aussi. Les enfants, si vous faites pogner, 70% n'ira vous avoir donné ce conseil. Voilà. C'est sûr, on ne l'a pas donné personnellement. Et une dernière grosse, Kurt Johnson et Dale Hindman, deux arnaqueurs qui ont réussi à faire croire à des propriétaires de maisons qu'ils avaient réglé leurs problèmes de dette afin de leur voler leur argent, sont passés devant les tribunaux. Lors du procès, ils ont demandé de se représenter eux-mêmes malgré les recommandations de la cour. Ils avaient un plan, apparemment. Selon la cour, ils ont commencé à saboter leur cause, offrant des documents absurdes et insensés, portant des uniformes de prison devant le jury et faisant d'étranges commentaires comme de demander au jury de les juger coupables. Ils ont aussi offert une étrange théorie selon laquelle ils étaient des êtres humains sensibles, distincts à des titres abstraits de accusés Kurt F. Johnson et Dale Scott Hindman, comme le stipulaient les documents officiels de la cour. Oui, ça semble un petit peu stupide et retiré de la réalité. Oui, le juge a demandé une évaluation psychologique des deux hommes et non, ils ne sont pas fous. Mais lors de leur appel, après leur surprenante condamnation, ils ont fait valoir le fait que la cour n'aurait pas dû les laisser se représenter eux-mêmes comme ils l'avaient demandé, puisque leur propre comportement en cour rendait le procès injuste. La cour a déclaré « Le registre démontre clairement que les accusés sont des idiots, mais ça ne les rend pas incompétents. Ils avaient le droit de se représenter eux-mêmes et de s'écraser. » Un droit que la cour doit respecter. Ben oui! On a tous le droit d'avoir la épée quand on veut. Il n'y a pas de... Chris, man, le gauntlet. Mais merci beaucoup, Bruno. Plaisir. Hey, moi, je me suis ennuyé de ça. Je les ai pas eu live. Là, je vais pouvoir aller te donner des bines pour ce que tu m'as appris. Ça va nous amener, Forêt. Tu peux-tu mettre une ou deux tonnes en background? Ben oui. On va laisser notre ami Stéphane parler rapidement des deux derniers films qu'il a vus à Fantasia. C'est bon. Et ça va nous amener tranquillement vers la chute de cet excellent 70%. Aïe, aïe, la chute. Ouais. Je pars trois tonnes. On va voir jusqu'où je me rends. Là. Excellent. Puis, les gars, pensez à ça, là, un indicatif, là, Stéphane puis Cham, là, il va falloir que vous nous fassiez ça. Ouais. Je m'appelle Hicham, puis ma femme, quand elle chigne trop, je la couvre ses braillements par 70%, là, ce que tu veux. Quelque chose de même. Et voilà. Alors, on va faire court parce que je vous parle de deux films qui se ressemblent beaucoup parce qu'ils ont été produits par les mêmes personnes et un studio qu'il faudra absolument suivre, Typhoon Sushi. Alors, si vous voyez ça comme producteur, c'est sûr que vous allez avoir la meilleure qualité japonaise à prix d'amis. Yeah. Non censuré, intégral, complet, c'est comme on les aime. Alors, la première chose dont je vais vous parler, c'est Mutant Girl Squad et son complément obligatoire, c'est Aliens vs. Ninja. Deux productions extraordinaires de 2010 et avec des réalisateurs pour le premier, Naboro Iguchi, Yoshiro Nishimura, Tak Sakaguchi. Et dans l'autre cas, Tsuji Chiban, Yugi Sakamura. Des noms à retenir. À retenir, absolument. Alors, quand même, pour les amateurs de films de série B, il y a dans ces films-là, comme dans les bons films de série B, tout plein de références cinématographiques. Donc ça, déjà, on va avoir des références à X-Men, à Spider-Man, à Nightmare on Elm Street, à Carrie, à Prom Night. Ça, quand même, il faut être plus fort pour le reconnaître. Ouais, et même Astro, le petit robot. Ah. Et comment on peut résumer Mutant Girl Squad? C'est pas très compliqué. Vous avez une fille mutante à la X-Men qui découvre qu'elle est une X-Men après s'être fait écœurer comme Carrie à l'école. Uh-huh. Alors, elle a une main comme Freddy qui lance des fils de fer comme Spider-Man et qui massacre tout le monde parce qu'elle est frustrée de se faire écœurer. Ouais. Et ça devient une écœuranterie généralisée parce que tous les mutants veulent détruire tous les Japonais parce qu'ils sont écœurés de se faire écœurer. C'est comme les Sud-Coréens, dans le fond. Voilà. Alors, ce qui arrive, c'est que là, vous avez des phénomènes extraordinaires du genre de mutants qui a une chainsaw dans le derrière pour tuer le monde, une autre qui a des épées dans les seins pour faire ça, d'autres qui a des petits bras sur les côtés, des deux côtés de la tête, d'autres qui a une espèce de poupée avec qui fait dans les mains. Et chacun est équipé comme ça, de façon très sympathique. Les mutations, c'est qu'ils te poussent un objet sur ton corps, finalement. Ouais, c'est comme en dedans de toi. Ils poussent un effet spécial cheap sur ton corps. Non, mais quand même, attention, c'est sûr que ça, c'est une des caractéristiques aussi de ces deux films-là, c'est les effets numériques sont assez douteux. Ouais, pourquoi je voulais en parler à l'émission, d'ailleurs. Ouais. Et vous avez quand même aussi un des grands plaisirs, c'est que quand les gens se font détroncher, ils ont, par exemple, la tête fendue en trois, ils continuent à vous parler. « Ah, merde! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ah! » Ce qui rajoute quand même au grand bonheur de la chose. C'est ça, être mutant, hein? Oui, c'est les victimes qui font ça, là. Oh. Mettons que là, je te prends toi, là, puis je te massacre avec ma chaîne, ça, comme ça, je te passe. Puis après ça, je te dis, salut, va te laver les mains avant de souper, là. Oui, c'est ça. Donc, il y a aussi des valeurs morales importantes dans les deux films. C'est que, voici, il faut que tu révèles ce que tu as à l'intérieur de toi, ton intérieur de toi, pour devenir plus fort, pour vaincre. C'est une caractéristique assez typique de certains films japonais. Et aussi une obsession du réalisateur dans les deux cas, c'est les petites culottes d'étudiantes japonaises. Il y a des grands plans toujours bien placés, n'est-ce pas? Sweet. C'est toujours un intérêt dans la chose, voyez-vous. Ah, ils ont des machines distributrices de petites culottes usagées, eux autres, là-bas. C'est vrai. Voilà, donc, dans les deux cas, c'est un peu ça. L'histoire, c'est pas tellement important. Je voudrais peut-être un petit commentaire pour Alien vs. Ninja, parce que c'est pour les amateurs des films de ninja, c'est une façon de revisiter le thème parce que déjà vous avez par exemple une espèce d'étoile de ninja qui ressemble à une toupie avec des cordes qu'on lance. Donc c'est l'espèce yo-yo étoile de ninja qui va revenir et vous apprenez aussi que les aliens là, ils font non seulement de la bave évidemment, puis il y a un petit bébé alien qui ressemble un petit peu à des petits dessins animés japonais là, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que les aliens là font du karaté, ils se battent avec des épées et sautent partout. Ouais. Donc t'apprends des choses que t'as jamais vues dans les films précédents quand même. C'est-à-dire que les aliens se battent comme n'importe quel autre ennemi de ninja dans n'importe quel autre film de vers ninja. Vers la fin, oui. Ils aiment les petites culottes de japonaises. Oui, effectivement, c'est vrai. Oui, parce que t'as une espèce d'alien mané qui pointe aussi les mains parce que le costume de l'héroïne est assez moulant et veut tâter de ces choses. Ça doit être une ressource interstellaire comme assez. Merci, recherché. ce qui fait que l'intérêt, donc, c'est des films tout à fait récents et qui ont vraiment une valeur extraordinaire cinématographique. C'est ça. Et voilà, c'est, merci beaucoup, Stéphane. Merci. Hey, j'en reviens pas. Alien versus Ninja. C'est bon, ça. Oui. Hey, tu reviendras nous parler de tes autres découvertes à un autre moment donné, mon gars. T'es bienvenu. Ah, ben, merci beaucoup. Ah, voilà. Sinon, moi, je vais écouter ici un petit bout. Je vais vous faire écouter en même temps. Il faut faire ça tout seul. C'est Joe Marshall, alias le flic samouraï. Là, il vient d'avoir une grosse poursuite en char. On les a tous eus. Bravo. Faudra fêter ça. Ah, j'y compte bien. Pour la fête, je suis le meilleur. C'est lui le meilleur. Mais écoutez bien. Et voilà. C'est pas moi qui a baissé le volume, en fait. C'est que d'un plan à l'autre, ils ont comme coupé ça bien comme il faut. Et puis après ça, ben ils sont en train de faire la fête. C'est-à-dire la fille est toute nue, puis l'autre, il se vautre dessus. Est-ce que c'est le meilleur? C'est ça, pour faire des bébés, là, je pense. Là, ou tenter d'essayer de pratiquer faire des bébés. On est-tu rendu à la fin? Là? Tout le monde a fini ses affaires, je pense. C'est ça, rendu à la fin. À moi, il me reste un petit bout de mon texte. Fait qu'on va faire comme d'habitude. Je vais le lire pendant que... Ah! Mais les indicatifs. Ouais. Stéphane, vas-y, mon gars. Chou! Là! Là! 70%! C'est bon, ça. 70% et 100% halal. Ça, c'est... C'est bon. C'est un bon départ. C'est bon Hicham, là. Non, mais comment t'expliquerais qu'il serait halal juste à 70%? Non, 70%, il l'est à 100%. Tu comprends? Oui, on comprend. Merci, Hicham. David Seb, très apprécié encore une fois. Bruno, on s'en va tout le monde au brouhaha. Julien Bernatché, fais attention à ton poil facial. Stéphane, merci beaucoup. Étienne. Oui, la semaine prochaine, je serai pas là. Ouais, c'est ça. En tout cas, vous pouvez écouter quand même l'émission. Ayez profité de lui. Vous pouvez écouter quand même l'émission. Je vais essayer d'appeler si je peux. Salut Kate, on va se revoir sur ma maison à un moment donné. moi, je m'en vais ici de me lancer dans la petite finale de mon texte sur le samouraï de L.A. Plusieurs personnes considèrent que le présent long-métrage est probablement ce qui s'est fait de plus douteux ever. Et pas n'importe qui, là, des gars comme Marc, Pitié, Barrette, Bruno, Brownwater, Corbin, Sylvain, Bone, Godette, des neurones qui ont été mis à l'épreuve plusieurs fois. Des gars qui en ont abattu de la bobine questionnable pensent que le combat entre les Yakuza et Joe Marshall, qu'est Samouraï de L.A., est le pire et le pire que le reste. Il n'y a rien à redire. Personnellement, je ne suis presque pas au courant de l'histoire parce que je passe trop de temps à rire à chaque fois que je le réécoute. Mais c'est pas vrai, on la devine rapidement l'histoire, mais on oublie facilement ceux qui la vivent. Comme pour plusieurs des plus purs douteux, la présence des personnages à l'écran est littéralement avalée par les erreurs techniques. Je vous invite plus que jamais, et jusqu'à ce que je reprenne cette structure de phrase, à porter une attention particulière au raccord et à l'utilisation des méthodes de montage révolutionnaires que sont le ralenti et l'accéléré. Wow! Les cadrages, les séquences de sex cheap, les combats d'arts martiaux, la profondeur du personnage du héros Joe Marshall, dit le samouraï flic envoyé en renfort pour régler avec ses jeans serrés les problèmes des flics de la ville où ça se passe. Faut dire qu'à moins 8,9, on est presque à moins 9 selon moi, là, mais c'est de l'ergotage. Tout y est, c'est sûr et certain. Et puis, ben, vous allez le réaliser dès les premières notes de la trame sonore de fond de générique noir et blanc. On fait face à un objet vraiment unique à Québec et au brouhaha à Montréal. C'est Tommy Godette à la console. Je vous invite à aller encore une fois voter, s'il vous plaît, pour les longs métrages qui sont en compétition. Ça va être dans ta bulle, juste là. Là, ils peuvent rentrer. Bonjour. Ah, ils sont occupés. Regarde ailleurs. Ce qui fait que je vais trouver ici une séquence du film. On va aller à 28 minutes 45. Là, Joe en a assez. Là, il va aller parler au Yakuza là, dans leur domaine. Un restaurant pis tout. Là. Ça, c'est pas du grand cinéma. Et voilà, merci d'avoir écouté 70%. On va s'en reparler la semaine prochaine. J'ai un cadeau pour toi. Merci, monsieur Fujiyama. Je ne sais pas si je peux l'accepter. Je t'en prie, c'est pour toi. Oh, merci. C'est magnifique. Bonjour, monsieur Fujiyama. Bonjour, tout le monde. Salut, Tony, tu es en retard. Ouais, je regrette. Prends place, maître. Merci. Messieurs, pour dîner? Non, plus tard. Allons-y, viens. Mmh. êtes Fujiyama? Oui, c'est moi. Et vous? Je suis un flic. Alors adressez-vous à moi. Je suis l'avocat de Monsieur Fujiyama. Vous voulez quoi? Vous êtes bien le patron de cette pourriture de katana. Assieds-toi. Faites des excuses, inspecteur. Vous n'avez pas le droit d'insulter mon client. Vous n'avez rien à lui reprocher. Ah, vous croyez? On a tellement de preuves contre lui qu'il lui faudra un régiment d'avocats pour le sortir de sa merde. Inspecteur, vous pouvez m'arrêter si vous avez des crimes à me reprocher. Si vous m'accusez sans preuves, vous avez intérêt à débarrasser le plancher. Nous sommes en Amérique. C'est encore un pays de liberté devant les lois. Un homme est innocent si sa culpabilité n'est pas prouvée. Vous n'avez rien contre moi. Je connais toutes les merdes que vous traînez. J'intente une action contre vous et le chef de la police pour insulte envers mon client. Vous aurez à vous présenter devant la justice. Monsieur l'avocat Marron, vous allez trouver les portes du palais fermées. Faut vous dépêcher. Je répète à ce fils de pute que j'ai beaucoup de respect pour les Japonais qui travaillent et sont des hommes. L'Auto-Québec présente la 24e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 13 au 25 juillet. Ne manquez pas la révélation du moment, l'envoûtante chanteuse berbère Indy Zara, le son très world chaleureux Sarazino, les arts de la récup Konono numéro 1 entre rythme traditionnel rock expérimental et électroacoustique, et en concert de clôture, les maîtres incontestés du zouk depuis 30 ans, le mythique groupe Kassav. Pour plus d'informations, visitez le www.festivalnuitdafrique.com. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Juillet 2010, c'est l'épisode 111 de Dans